Hello Pierre. Alors, comme je sais que Elessi vient d'Amérique latine, je m'entraîne à chanter une samba. Voilà l'avant-première, parce qu'en fait, je ne sais pas si j'aurai une guitare là-bas. C'est parti. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien. Hein. D'être joyeux. Mais il est une samba sans tristesse, c'est une musique sans ivresse. Or, la musique que j'aime, c'est la samba qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Ah, j'ai oublié les paroles. Ah, ça c'est quoi après? Il y en a que la musique incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi, je l'aime et j'ai parcouru le monde. Pour chercher ses racines vagabondes et trouver les plus profondes. C'est la samba musique qu'il faut chanter. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Boum bamba, boum bamba, boum bemba, dum dum dum dum dum.